À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le groupe de solidarité avec la République populaire démocratique Corée de Russie a publié le 16 une déclaration. En affirmant que le monde n'oublie pas le 25 juin 1950, le groupe de solidarité a dénoncé les États-Unis qui ont introduit en Corée de pléthoriques forces d'agression en abusant de l'ONU et perpétré les destructions banditistes pour supprimer la République populaire démocratique Corée.